Pourquoi y a-t-il une guerre des savoirs? L'histoire de la philosophie commence avec l'apologie de Socrate. Socrate qui est condamné à mort et d'abord accusé devant un tribunal parce qu'il prétendait ne rien savoir, c'est-à-dire aussi critiquer les savoirs des autres, critiquer les savoirs de tout le monde. Il dérangeait avec sa prétention à distinguer entre un savoir pratique non fondé et un savoir fondé et scientifique. Et ce dérangement nous montre bien que le savoir est comme tel au cœur du politique, au cœur des conflits entre les humains. Et il y a un lien direct à cet égard entre le commencement, si l'on veut, dans l'histoire de la philosophie, Socrate, si on l'envisage comme un commencement absolu, ce qui est contestable mais pratique, d'un côté, et d'un autre côté, l'état actuel de la guerre des savoirs qui se livre sur tous les réseaux sociaux, qui se livre sur tous les écrans, qui se livre d'une certaine manière à l'échelle du monde. On pourrait dire qu'il y a aujourd'hui une guerre mondiale sur la prétention au savoir. Partout, ouvrez un réseau social, un journal même, sauf quand il est un peu objectif précisément, ou quand les réseaux peuvent l'être aussi, ou les plateaux, eh bien partout, on conteste le savoir des autres et on prétend tout savoir. On attribue à l'autre de l'ignorance et on prétend tout savoir sans examiner nous-mêmes, au fond, dans les savoirs prétendus, la part du savoir et de l'ignorance. Il faut donc se repérer de nouveau, être un peu socratique dans cette guerre des savoirs et chercher à démêler dans toute prétention au savoir la part de fondement qu'il y a, la part d'ignorance et les médiations aussi qui interviennent dans ces discussions entre les humains. Car le premier geste de Socrate, ce n'est pas tellement de prétendre savoir ou ne pas savoir, ce n'est pas de prétendre être le plus savant des hommes, c'est d'entrer dans la discussion, c'est de faire prendre conscience à chacun de ses interlocuteurs, de ce qu'il sait, par exemple, il sait guérir, et de ce qu'il ne sait pas, par exemple, le médecin grec ne sait pas forcément les fondements de sa science pratique, il ne sait pas non plus forcément ce qui est le bien absolu pour les humains, et aujourd'hui encore, en bioéthique, on sait parfois traiter une maladie, on ne sait pas jusqu'où mener ce traitement, et on doit se renseigner aussi auprès des sciences sociales, auprès de l'éthique, dans une discussion avec les citoyens, pour savoir jusqu'où doit aller la médecine, pour savoir comment tel médicament doit être réparti de façon juste, pour savoir aussi ce que l'on ignore encore. Plus gravement, il faut démêler les médiations délibérées des humains dans la guerre des savoirs. Il y a du mélange de savoir et de l'ignorance pour nous orienter de façon confuse dans les débats les plus actuels. Nous avons besoin aujourd'hui d'un grand débat mondial pour éviter la grande guerre mondiale des savoirs. Nous avons besoin de discussions scientifiques et philosophique partagée sur tous les enjeux, en mesurant notre ignorance plutôt qu'en nous accusant les uns les autres de mensonges. La guerre des savoirs est au cœur de la vie humaine et c'est ce savoir de cette guerre qui peut nous en libérer.